Chapitre 25e. Surveillance. Bertrand Madrier était très heureux. Jusqu'à présent, la fille respectait parfaitement le contrat. Elle se rendait bien à son cours deux fois par semaine. Aussi avait-il décidé de ne pas tenir compte de l'alerte de Goudreau. Pour plus de sécurité, il l'avait suivie par deux fois, et à chaque fois il l'avait vue entrer et sortir à l'heure convenue. Il avait attendu une demi-heure, était rentré aux Tournelles, ravi d'avoir si bien placé sa confiance. La semaine suivante, il avait invité Jean-Patrick Séverin à boire un coup, histoire de faire le point. Il fut, on ne peut plus, satisfait du compte-rendu. La fille se révélait exactement à la hauteur de ses espérances. Le travail fourni, même s'il ne pouvait en juger réellement, son propre niveau en mathématiques était plutôt faible, semblait plus que satisfaisant. Même si, selon Jean-Patrick Séverin, 4 heures supplémentaires seraient les bienvenues, histoire de pouvoir approfondir les choses, notamment en physique et sciences. Il fallait un peu renforcer la chimie pour que la fille puisse réellement défendre toutes ses chances, et surtout effacer le fait qu'elle venait des Tournelles, ce dont Bernard Madrier convint facilement. Il se chargeait de convaincre le papa, mais la chose ne présentait aucune difficulté. Il paya donc l'addition d'un cœur léger, se réjouissant une fois de plus de l'intuition qu'il avait eue. Quant à Jean-Patrick Séverin, il n'était pas mécontent non plus. Il avait obtenu 2 heures supplémentaires de liberté à celle qu'il considérait désormais comme sa protégée. La surveillance des Tournelles se mit discrètement en place. Les inspecteurs Lemurier et Gendrel prirent leur faction dans une fourgonnette habituellement affectée à cette tâche. Il fallut bien vite déchanter. Aucun élève ne fut surpris en train de faire le mur. Aussi, malgré l'immense déception de Dutilleul, qui souhaitait un délai supplémentaire, la surveillance fut levée et les 2 inspecteurs retrouvèrent leurs lits respectifs avec un certain bonheur. Heureusement pour sa part, Viard choisit d'oublier l'incident. Pour Dutilleul, ce fut plus délicat, car il pressentait qu'il avait eu raison, mais il n'avait pas encore dit son dernier mot. Il avait encore une bonne carte en réserve. Journal, extrait numéro 5. Cher grand-père, j'avais bien envie de ne plus employer ce terme, mais je me suis raisonné. Même si tu es probablement le plus beau salaud que la terre ait jamais porté, j'ai décidé d'être magnanime. De toute façon, là où tu es, tu comptes si peu. Puis c'est si bon de salir ta mémoire, de régler enfin mes comptes, sachant que tu ne peux plus rien, et que l'on ne te sortira jamais de la tombe. Remarque, ce serait peut-être amusant de voir à quoi tu ressembles. Les vers ont dû être malades en te bouffant. Tu transpirais tant la haine et la frustration. Il est vrai que tu n'as pas réalisé grand-chose au bout du compte. Tout juste as-tu suggéré la petite aisance familiale sans manger le capital. Ta grande obsession, ça. Du coup, tu t'es cantonné à une vie médiocre, toujours à compter. C'était lamentable. Mais que pouvions-nous attendre d'autre? Rien. Laissons cela de côté, car je suis de bonne humeur. Séverin est parvenu sans difficulté à m'octroyer 2 heures de liberté supplémentaire. Le prétexte, la chimie. Il m'a fait mourir de rire quand il m'a rapporté son entretien avec Madrier. Il avait parfaitement choisi son angle d'attaque et l'a fait mouche avec son « pour que j'aie toutes mes chances ». J'ai toujours su que chez Madrier, il fallait viser l'orgueil. Le con est fier de son établissement pourri. Ça, je l'ai toujours su. Il souffre cruellement d'être régulièrement mis à l'index. Je le vois déjà, dès l'année prochaine, relever ses critères de sélection de plusieurs points. J'ai toujours senti que sous ses allures bonhomme, c'est un ambitieux de première. Il rêve plus que jamais de transformer les Tournelles en club select, sauf qu'il y a du boulot. Il faudrait déjà qu'il se débarrasse de sa greluche de secrétaire, ce qui n'est pas gagné, vu qu'elle fait pratiquement partie des murs. C'est ça, l'ancienneté. Ensuite, il faudrait remettre un bon coup de peinture, mettre l'électricité aux normes et revoir l'ensemble des toitures. Quant au chauffage, bref, il faudrait boucler l'établissement et ça, le conseil ne l'admettra jamais. C'est qu'ils y tiennent, les membres, à leur jolie rente. Ils se sont faits à leurs beaux appartements et aux vacances à Saint-Trope. Le pire est que je ne peux même pas le leur reprocher, car si j'étais dans la même situation, j'en ferais tout autant. Je prendrai un malin plaisir à claquer le fric qui tombe si stupidement du ciel par grosses brassées. Est-ce que les parents peuvent être cons? comme si l'on avait un jour progressé aux tournelles. Inutile de se voiler la face, si quelques éléments sont bons et méritent effectivement d'avoir une seconde chance, plus des trois quarts méritent le panier, surtout les filles qui ne sont bonnes qu'être mariées en sortant d'ici. Encore, très très vite, et accompagnées d'un gros chèque. Quand je vois cette cruche de Tiphaine qui ne comprend rien à rien, pourtant vois-tu, ce n'est pas la fille méchante. Dans ce domaine, il y a franchement pire. Seulement, elle fait vraiment tâche. À vraiment se demander d'où elle sort. Naturellement, comme beaucoup, elle tourne autour de 7. Mais au tournel, la majorité des élèves tournent autour de 7. C'est à se demander si tout cela a encore un sens. Je pense que la notation est surtout faite pour ne pas mécontenter les parents. D'ailleurs, à bien y réfléchir, il n'y a aucun redoublement et tout le monde obtient le fameux certificat des tournelles, c'est-à-dire un torchon, certes joliment décoré, mais qui ne vaut strictement rien à la sortie. Pourtant, très peu se retrouvent au chômage du. C'est cela, la fameuse fraternité des tournelles. En tout cas moi, une fois dehors, je compte bien oublier toute cette comédie. Et c'est pour cela qu'une grande école ne sera pas de trop. Passons à autre chose. Car il faut maintenant que je te dise à quoi j'utilise mes 4 heures de liberté. Eh bien, c'est simple, je me promène. Je ne sais pas pourquoi, il faut toujours que j'inclue la serre dans mon itinéraire. C'est comme un parcours initiatique. C'est vrai que tout est parti de là. C'est à cette occasion que j'ai pu mesurer la valeur de chacun. Pardé et Deux-Serres se sont montrés les plus zélés. La seule chose que j'ai un peu regrettée, c'est qu'il n'y ait qu'un tout petit article dans la presse du lendemain. C'est cela qui m'a motivé à passer à la vitesse supérieure. Je voulais de plus gros titres, et on peut dire qu'avec la vieille, j'étais servi. Aujourd'hui, je cherche une nouvelle cible, mais j'ai tout mon temps. Il est bon que l'équipe ronge un peu son frein. La motivation n'en sera que plus grande. Je sais déjà que Deux-Serres meurt d'envie d'y retourner, et qu'il se montrera sans état d'âme si je l'aiguillonne suffisamment. Quant à Berthelot, il a grand faim, mais il faudra attendre comme les autres. Je sais que ce sera dur, mais c'est tout de même moi qui décide, et je tiens à garder la main ferme sur tout ce petit monde. Assez pour le moment. Dutilleul était amer d'avoir dû arrêter si vite la surveillance, mais il ne pouvait pas en tenir rigueur à Bellegarde. Il avait dû se produire quelque chose dont il n'avait pas été informé. Il était toujours intimement persuadé que tout devait se passer de nuit. Tout comme il était persuadé que les tournelles étaient bel et bien au centre de l'affaire, même s'il ne pouvait pas encore le prouver. Un autre fait ajoutait à sa morosité. Mado avait regagné son appartement, même s'il restait quelques travaux à effectuer. Elle était ravie de la nouvelle disposition des pièces. Elle avait commencé à se rééquiper, mais, heureusement, elle n'avait guère insisté pour qu'ils fassent les boutiques ensemble.